La nature nous récompensa des tristes œuvres que nous avions dévisagées, car, en sortant, nous nous arrêtâmes à considérer un riche paysage, avec des plaines d'un vert velouté, des rivières reluisantes, des horizons violacés, et le ciel bleu où des petites nuées lumineuses fuyaient au vent. Nous restâmes là longtemps, car derrière nous c'était la Normandie et nous contemplions la Bretagne. Nous lui jetions un dernier regard de regret et d'adieu. Pendant 3 mois, nous avions vécu avec elle, en elle, et nous la quittâmes avec amertume. Là, debout sur la colline, laissant notre pensée aller bien au-delà de notre vue, nous nous rappelions, dans un souvenir plein de confusion, nos marches joyeuses et le bon temps que nous avions passé. Notre voyage tout entier nous revenait par fragments, sans suite, comme par épisodes détachés. Jamais nos vies n'avaient été plus unies, plus intimes, plus profondément liées l'une à l'autre. Et en finissant ce pauvre voyage que nous avions tant désiré, nous sentions que nous laissions après nous comme une partie de nous-mêmes, que jamais nous ne pourrions retrouver. Aussi, nous avions le cœur serré quand nous montâmes sur l'impériale de la diligence qui devait nous déposer à Caen. Axiome, il est bon de voyager, mais il est triste d'avoir voyagé. Le postillon fouetta ses chevaux, la voiture s'ébranla et partit. Des femmes sortaient sur le seuil des portes pour nous voir passer, et des enfants couraient en criant dans la trace de nos roues. Le premier relais fut l'Oudéac. Les prodigieux souterrains que Raoul de Fougères y fit creuser pour cacher ses trésors pendant ses guerres incessantes contre Henri II d'Angleterre existent encore. On prétend qu'il rejoignait Fougères. Au reste, il est impossible de visiter une ville fortifiée sans être exposé à une tradition semblable. Mais nous n'y pensâmes pas, tant nous étions occupés à considérer le valet d'écurie qui nous amena les chevaux. Une tache de vin couvrait la moitié de son visage, violette et sanguinolente, elle s'étendait depuis la naissance des cheveux jusqu'au-delà du menton, fermant à demi l'œil dont la sclérotique brillait comme un filet d'argent, élargissant l'oreille qui semblait découpée dans une peau d'éléphant, tuméfiant les lèvres baveuses, toutes chargées de pustules et de grains de raisin, et descendant sous le cou avec la forme d'un goitre qui remuait à chacune de ses paroles. L'autre côté de la figure était profondément couturé de petites véroles et encombré par une barbe rare et roussâtre qui devenait blanche quand elle approchait de cette tartre couineuse. Souvent, il passait la main sous son nez, d'où paraissait dégoûter une suppuration continuelle. Ce misérable est marié cependant et père de famille. Il y a quelques années, fatigué de sa solitude et de sa monstruosité, il rechercha une pauvre fille qui avait eu un enfant et qu'on montrait au doigt dans le village. Elle n'en eut pas horreur et l'épousa. Le jour de leur mariage, on leur donna un charivari et, en voyant l'union de ces deux élus du mépris et de la laideur, les bourgeois ont dû rire avec toute la férocité de la bêtise humaine. Ils soignent les chevaux de la poste, les seuls animaux, avec sa femme et ses petits, auxquels ils ne fassent point peur. Notre voiture roula tout le jour. Le soir, à Vire, où apparaissent déjà les abominables bonnets de coton de Normandie, après avoir dévoré en 8 minutes un dîner à 3 services et distancé de bien loin la voracité de M. de Montmorency, nous entrâmes dans le coupé que nous avions retenu pour nous seuls et où nous refusâmes grossièrement de laisser monter une dame qui nous demandait une toute petite place. Chacun de nous appuya sa tête dans un coin et s'endormit au bruit des grelots. Le lendemain, quand nous nous réveillâmes, le jour se levait. À la droite de la route s'alignaient quelques maisons à contrevent fermé, à porte close, à toit sans fumée. On sentait que tout y sommeillait encore. La bourgade s'appuyait à de grands coteaux blancs et crayeux, recouverts d'une pâle verdure. Plus près de nous, des ormeaux fuyaient en agitant leurs bras mal tournés. À gauche s'aplanissaient des champs de colza, et tout au fond, l'énorme citadelle de Beaulieu s'épatait lourdement devant un petit village que sa masse cachait presque entièrement. À travers le brouillard, on distinguait à chaque coin des glacis de petits points immobiles et noirs qui devaient être les sentinelles. En face, à 1 ou 2 lieues encore, on apercevait une grande confusion de clochers, de toits pointus, d'arbres, de pompes à feu. C'était Caen. De grands nuages verdâtres s'allongeaient sur l'horizon. semblables à de gigantesques géants endormis. Le ciel avait des teintes safran qui, par d'imperceptibles dégradations, passaient au violet foncé. La ville y découpait sa silhouette plate et brune, les flèches de ses cathédrales. Les nuées se frangèrent d'une ligne d'argent. Quelques points luisants comme un éclat de fer rougi scintillèrent çà et là. Les tons divers s'unirent davantage et les disparates se fondirent dans une nuance orangée qui bientôt sembla lutter contre l'envahissement d'une lumière venue d'en bas, blanchie et devint éclatante. À ce moment, il se fit un grand éblouissement. Les toits de Caen brillèrent et disparurent dans une pluie de poussière d'or. Quelques vitres isolées resplendissaient comme des diamants et le soleil parut. Il était déjà haut et montait lentement dans son chemin d'azur lorsque nous allâmes nous asseoir dans les prairies qui bordent l'Orne, entre des buissons d'aulnes et des peupliers. Jadis, à l'âge de 7 ans, j'avais passé à Caen et je me rappelais vaguement des cascades bouillonnantes et de grandes chutes d'eau se brisant sur les rochers. Je retrouvais une petite rivière écumant contre quelques pavés qu'elle pouvait à peine franchir. Sous les grands arbres, qui sont une des plus belles promenades que je sache, des soldats faisaient l'exercice. Dans la plaine, on préparait des tribunes pour les courses qui allaient avoir lieu. Des femmes agenouillées près de l'eau lavaient leur linge en jasant. Au-dessus d'elles, 2 ou 3 bourgeois pêchaient à la ligne. Nous nous sommes éloignés de ce bruit. Nous avons franchi des haies, des fossés, et nous nous sommes assis pendant longtemps à l'ombre, sous des saules, regardant des faneurs qui secouaient leurs foins et riaient en poussant sur les meules les paysannes qui, nus bras et courts vêtus, maniaient la fourche et le râteau. Certes, nous serions restés là jusqu'au coucher du soleil sans parler, écoutant le bruissement des charrettes qui criaient sur l'herbe sèche et contemplant les bœufs pensifs qui frottaient leurs cornes sur l'écorce des arbres. Mais la ville était proche et nous ne voulions pas la traverser sans la voir. Elle a ses curiosités, en effet, ne serait-ce que l'incroyable statue de Louis XIV, tout nu, avec un casque en tête et une épée à la main. Saint-Étienne, qu'on appelle aussi l'abbaye aux hommes, a 2 flèches si hautes que l'œil les suit à peine. Elle s'élance droite, tout en pierre, avec des accolements de colonnettes reliées par des arcades cintrées, et portant un toit pointu dont les 8 côtés, séparés par des arêtes saillantes et découpées en écailles de poisson, sont accompagnés par 8 clochetons percés de petites baies carrées. Au reste, point de portail, mais seulement quelques portes basses timidement ouvertes sur les faces latérales. L'intérieur est immense et blanc, comme s'il venait d'être terminé sous les yeux de Guillaume le Conquérant, qui le fit bâtir en 1064. 3 nefs romanes presque dures, à force de sévérité, vont rejoindre le chœur autour duquel circule une fine balustrade composée d'anneaux taillés à jour et réunis par des bâtons. Les chapiteaux sont fleuronnés, ornés de losanges et de lacets plats entrecroisés comme des résilles. De larges arcades coupées à nervures vives supportent un gynécée étroit qui entoure l'église d'une rangée de colonnettes pressées et surmontées d'un tailloir marqué d'une croix palée. La galerie supérieure derrière laquelle s'ouvrent les fenêtres est composée d'arcs alternativement grands et petits dont la retombée s'appuie sur la même colonne, ce qui donne à toute cette partie de la nef un aspect singulier et dont j'ai vu là un seul exemple. En sortant, nous avisâmes un chapiteau sculpté. Du milieu d'opulents feuillages sortait un jeune moine. Il avait impudiquement relevé sa robe jusque par-dessus son ventre, et il se livrait à cette occupation égoïste des âmes peu communicatives sur laquelle le docteur Tissot a écrit un traité qui faisait mes délices quand j'étais en 5e. La contrepartie, l'antithèse exacte de Saint-Étienne, se rencontre à Caen même, c'est Saint-Pierre, la cathédrale. Autant l'une est sobre, forte et grande, autant l'autre est affaiblie, décadente et fioriturée. Au point d'intersection des nervures descendent des clés pendantes, des chardons, des festons dentelés, des écussons, des rosaces, stalactites de pierre qui remplacent les fines arêtes de la véritable ogive. On sent déjà l'envahissement de la Renaissance, triste époque trop célébrée et qui n'a rien produit comme monument religieux. Déjà les traditions sont oubliées, l'art s'éteint, l'architecture est vieillie. et ainsi que ces coquettes surannées qui couvrent de fard la pâleur de leurs joues, qui saignent de fleurs leurs fronts sans cheveux, elle cherche par le travail tourmenté d'une ornementation exagérée à dissimuler sa faiblesse et son agonie. Elle croit avoir rencontré la richesse et n'est arrivée qu'au mauvais goût, et son luxe n'est pas de la force. Il en est du style ogival comme d'une belle femme. Moins elle est habillée, moins elle a de joyaux, plus elle est belle. Restait le musée. Nous y allâmes, et parmi les 200 toiles environ qu'il contient, nous en remarquâmes 3. C'est beaucoup, dirait Martin. D'abord, d'un auteur inconnu, le portrait de Voyer d'Argenson. Visage grave, dur et railleur, dont les joues pâles s'encadrent dans les boucles épaisses d'une énorme perruque noire. Ses larges sourcils surplombent des yeux bruns perçants et qui devaient être d'une prodigieuse mobilité. Sur sa bouche mince et discrète s'abaisse un nez recourbé, un peu bossué et ouvert de puissantes narines. Son menton fourchu jette une ombre sur son rabat blanc et complète dignement cette figure astucieuse, violente, qui est bien celle de l'homme qui disait « L'homme est bon, mais l'argent est meilleur ». À côté, parmi une merveilleuse guirlande de roses jaunes, de roses blanches, de pivoines, de chrysanthèmes, de lilas, de lys, de pieds d'alouette, s'épanouit un riant visage qui est celui de la marquise de Parabère, celle qui dansait toute nue au petit souper de Saint-Cloud, qui partageait son lit entre le régent et le comte de Nocé, et qu'on appelait la petite corbeau. Elle est grassouillette, fraîche, appétissante, et semble prête à se pâmer sous le premier baiser qui viendra sur ses lèvres humides. Ses cheveux bruns et abondants tombent en repentir sur ses belles épaules. Son nez, un peu retroussé, fin et percé de narines roses, est bien en harmonie avec sa bouche moqueuse et sensuelle et avec ses petits yeux vifs, bleus et abrités sous des sourcils nettement dessinés. Ses joues, son menton, sont troués d'une fossette. Sur le bord du cadre s'appuie un jeune mort, tout noir dans ses vêtements de soie jaune, et soutenant deux corbeilles d'où sortent les faisceaux de fleurs qui l'entourent. Lorsque Maxence, fils de Maximien Hercule, régnait sur le monde, vivait à Alexandrie Catherine, fille du roi Castis. Elle avait vaguement entendu parler de ces hommes nouveaux qui renversaient les idoles, adoraient un dieu inconnu, et que César Galérius avait persécuté. Elle se sentait involontairement portée vers eux, et déjà sans la connaître, elle aimait cette croyance audacieuse qui bravait les supplices et lassait les bourreaux. Un jour qu'elle s'était endormie, elle vit apparaître devant elle une femme brillante de lumière. Des nuages entouraient ses pieds nus, elle avait sur la tête un diadème d'étoiles et portait dans ses bras un jeune enfant dont la face rayonnait comme un soleil. C'était le Christ et sa mère. La Vierge s'inclina devant son fils et lui montrant Catherine, « Seigneur, lui dit-elle, la voulez-vous pour épouse ?» Jésus détourna la tête et répondit, « Non, car elle est païenne et ne s'est point encore lavée du péché dans les eaux du baptême. » La vision disparut et Catherine se réveilla. Elle regarda ce songe comme une manifestation de la volonté divine et 2 jours après elle était baptisée. Jésus et la Vierge la vinrent alors visiter de nouveau pendant son sommeil, et lorsque ses yeux se rouvrirent, elle trouva l'anneau de fiançailles céleste passé à son doigt et déposé devant ses pieds le glaive qui plus tard devait la réunir à son immortel époux. Tel est le sujet d'un petit panneau de 18 pouces de hauteur peint par Albert Durer et accroché dans un coin du musée de Caen. Un paysage à perspective droite occupe le fond du tableau, au premier plan duquel la Sainte s'agenouille devant la Vierge qui tient son enfant. À côté, 2 femmes sont assises dans la raideur de leur longue draperie. Derrière vient un serviteur portant une corbeille de fruits. Les personnages sont vêtus du costume des premières années du 15e siècle, grande robe rouge rattachée par des plaques d'orfèvrerie, réseau de perles dans les cheveux, collet d'hermine sur les épaules, bagues aux pouces, taille courte et bassin élevé. La Vierge est à demi couverte par les nappes rousses et ondées de sa chevelure qui tombe jusqu'à ses hanches. Les cheveux des autres femmes sont aussi adoucis par des tons dorés qui les pénètrent d'une chaude lumière et s'harmonisent bien avec la mate pâleur de leur visage. Jésus est debout sur les genoux de sa mère. Son visage illuminé de rayons se tourne en souriant vers Sainte Catherine. L'ensemble de toute cette toile est d'une jeunesse, d'un coloris inexprimable, et chaque détail, si infime qu'il soit, est fini avec une habileté qu'on ne peut saisir qu'après un long examen. Le style en est énorme. Tout petit qu'est le tableau, il se déroule comme une toile de 20 pieds, et c'est un des plus grands sujets d'église que j'ai vus. J'aime Albert Dürer, ce chaste artiste, qui mourut à 39 ans, comme Pascal, Raphaël, Léopold Robert, Mozart et Byron. Une âme rêveuse qui, le soir, au coucher du soleil, aimait à regarder les petits-enfants jouer dans la poussière de la route, homme doux et craintif, que sa femme battait, trompait, volait, peintre amoureux qui ne pardonna jamais à Marc-Antoine Raimondi d'avoir gravé les impuretés de Jules Romain. J'aime tous les maîtres naïfs, tous si pleins de foi, de croyance dans leur art, quel que soit leur pays, qu'ils s'appellent Lucas de Leyde, Jean de Bruges, Masaccio, Orcagna, Vivarini ou Fiesole. Je les aime pour cette religion fervente qu'ils avaient en eux-mêmes et qui les a rendus aussi immortels avec leurs morceaux de foie peint que tous les conquérants du monde avec leurs batailles et tout le tintamarre de leur victoire. Ici, l'auteur, se trouvant fort embarrassé pour découvrir une transition convenable, prie le lecteur de vouloir bien se transporter bénévolement à Dives, où le soir à 9 heures nous déposa un tilbury que nous avions frété à Caen. La nuit était venue, mais la mer mugissait à quelques pas de nous et nous l'entendions. 5 heures nous séparaient de Trouville, c'était notre dernière étape. Nous voulions avoir notre journée de clair de lune. Nous prîmes un verre de rhum pour chauffer nos courages et nous partîmes en disant, comme la Sapho de ce pauvre Germain, « Marchons, la nuit est belle !» Nos pieds criaient dans le sable que trouaient nos bâtons. À nos côtés, les flots obscurs battaient la grève et se déroulaient avec ce grand bruit qui ressemble à une plainte éternelle. Au-delà, bien loin sur le ciel, ondulaient les hautes silhouettes des falaises des autres rivages. Elle paraissait comme une immense muraille élevée entre la terre et les cieux. À droite, c'était la côte, avec ses rochers blanchâtres, ses éboulements et ses pentes largement crevassées par les pluies et le soleil. Devant nous, à l'horizon, et comme suspendus dans la nuit, nous apercevions les feux du Havre, le phare de la Hève et les réverbères des quais de Trouville. Derrière nous, la lune ronde et rouge, mollement portée sur quelques sombres nuages, bordée d'un fil d'or et pénétrée de lueurs verdâtres, regardait dans les flaques d'eau qu'elle illuminait de traînées de feu rayonnantes et agitées sous le souffle du vent. Nous nous arrêtâmes devant un chenal profond, et ne pouvant le franchir, nous remontâmes vers la terre jusqu'à un pont de bois. Quand il fut traversé, nous suivîmes imprudemment la route qui le prolongeait. Or, cette route montait, dure, pierreuse, aride. Et après que nous l'eûmes gravie péniblement pendant 3 quarts d'heure, elle nous quitta sur la falaise, entre des champs et une clairière couverte. Le bruit de la mer ne nous arrivait plus que comme un vagissement éloigné. Nous entendions les chiens qui hurlaient dans quelques fermes isolées. Nous nous étions égarés. Espérant qu'un sentier nous ramènerait bientôt au rivage, nous marchâmes longtemps sous des ormeaux qui secouaient sur le chemin leurs ombres étranges. Notre erreur nous avait conduit loin, et là, de la prolonger encore, nous poussâmes la barrière d'un champ dont nous côtoyions la haie, nous tournâmes à gauche et allâmes devant nous. Nos pieds foulaient silencieusement les gazons argentés par la lune. Parfois, une masse s'élevait sur notre passage. C'était un buisson, on l'escaladait et on continuait. À mesure que nous avancions, le murmure des vagues nous parvenait plus distinct. La mer semblait envoyer au-devant de nous l'encouragement de ses voix rapprochées. Tout à coup, le terrain manqua sous nos pas. Nous étions arrivés au sommet de la falaise qui se coupait à pic et descendait jusque dans le vide que nos yeux ne pouvaient pénétrer. Ces formidables glaciers rayés de lignes noires, du milieu desquels sortaient quelques crêtes crayeuses et blanchissantes, se dressaient d'une prodigieuse hauteur sous les reflets nacrés du ciel. Nous n'hésitâmes pas. En essuyant la terre de nos bâtons, nous avançâmes, tout nous servait pour descendre. Nous prenions point d'appui où nous pouvions, nous accrochant aux fissures, aux pierres, aux lianes, aux ronces, et demeurant souvent debout, oscillant sous une impulsion mal calculée qui manquait à nous précipiter. Parfois, nous mettions nos pieds dans un trou, pensant les poser sur une ombre. Nous étions sur un rocher, cherchant à pouvoir en descendre. Nous sautions bravement et nous enfoncions jusqu'aux genoux dans une de ces sources souterraines filtrées à travers la montagne. Enfin, quelques vertiges nous prit sans doute, car nous nous jetâmes en avant sans plus regarder, fermant les yeux pour ne pas voir notre chute d'avance, bondissant, perdant pied, sur les genoux, sur les coudes, sur le dos, tombant, nous relevant, hasardant 20 fois notre vie pendant une seconde, mais aussi calme, aussi fervent que sur une grande route en plein soleil. Quelque chose s'éboula en frissonnant sous nos pieds. C'était du sable, c'était le rivage, et nous nous assîmes pour respirer et essuyer la sueur qui dégouttait de nos visages. Bien vite, nous reprîmes notre course, car le vent était froid et nous pénétrait. La lune devenait plus rouge à mesure qu'elle s'abaissait, un nuage noir la coupait par le milieu comme une banderole de deuil et rehaussait encore la vigueur de ses teintes sanglantes. À côté, il y avait beaucoup d'étoiles. La mer, en développant ses vagues, s'étendait en nappe jusqu'à nos pieds. Nous passâmes auprès d'une barque couchée, au sec, sur la grève. 2 avirons en sortaient. Un filet s'y pelotonnait sous les bancs, et parmi ses mailles on distinguait quelques points brillants qui étaient des écailles de poissons desséchés. Nous marchions côte à côte, le cou tendu, les épaules courbées, tristes et muets, respirant à toute narine l'âcreté des flots, nous jetant parfois un mot, un cri, une exclamation « Allons, vieux !» et retombant aussitôt dans notre invincible silence. En effet, qu'aurions-nous pu dire ? Quelles paroles nous auraient traduit ? Quelquefois, des sombres profondeurs de la falaise surgissaient des ombres enveloppées de manteaux ou de peaux de mouton. Elles avançaient lentement sur nous, à pas insensibles, raides et muettes comme des apparitions. Elles nous regardaient attentivement et s'en retournaient en laissant flotter derrière elles les plis nombreux de leurs vêtements. Puis elles s'enfonçaient dans la nuit et se perdaient à nos yeux. Ces fantômes étaient des douaniers qui venaient voir si nous n'étions pas d'âpres contrebandiers portant sur les épaules les dentelles d'Angleterre et les batistes d'Écosse. Derrière une ligne de bateaux rangés sur le sable comme autrefois les galères grecques sur le rivage de Troie, nous aperçûmes un village endormi, sans lumière aux fenêtres, sans bruit autour des maisons. Un homme nous aborda. C'était un lieutenant des douanes qui faisait son inspection et qui de loin nous avait pris pour 2 jaugeurs en recherche. Un chien loup l'accompagnait. Pendant que nous causions, il s'accroupit sur ses jambes de derrière, la tête appuyée sur ses pattes allongées, prêt à bondir au premier signal. Il nous regardait d'un air inquiet, avec des yeux ronds, mobiles et lumineux, comme des gouttes d'or en fusion. Quand nous élevions la voix, il grognait. Et, à un brusque mouvement que nous fîmes, il s'élança, le poil hérissé, montrant les dents et remuant singulièrement ses prunelles reluisantes. L'inspecteur nous quitta, et son chien le suivit en se retournant encore pour japper contre nous. La lune allait bientôt disparaître, et nous marchions toujours. Quand nos pieds rencontraient les flaques d'eau oubliées sur la grève par la marée du matin, il jaillissait 1000 étincelles blanches et bleuâtres qui s'épanouissaient comme les soleils, comme les fusées d'un feu d'artifice silencieux. Nous avancions. Les réverbères de Trouville semblaient se rapprocher, mais la fatigue avait raidi mes membres et je ne cheminais plus qu'avec peine. Nous entrâmes dans le marais voilé de vastes champs, plantés de joncs que la mer recouvre en hiver. Dans ce tapis de verdure qu'assombrissait la nuit, nous ne pouvions distinguer les plis du terrain. Mes jambes affaiblies fléchissaient sous moi. À chaque pas, je roulais et je tombais. Enfin, nous arrivâmes auprès d'un fanal accroché à un poteau. Une large rivière coulait devant nous, enlongeant une berge couverte d'un sable blanc. Je m'y étendis, heureux de mon immobilité, pendant que mon compagnon, qui avait toujours gardé sa force et son courage, appelait et réveillait à grand-peine le passager endormi. 10 minutes après, nous étions au coin du feu, dans un hôtel, mangeant un morceau de fromage et buvant une bouteille de Volnay. Il était 2 heures du matin et je dormis jusqu'à midi. De Trouville, je ne dirai rien, car autrefois c'était un vrai port de mer, avec des maisons éparpillées derrière un quai fermé de quartiers de roc. avec des filets séchant au soleil, étendus sur des avirons, avec des pêcheurs en bonnet rouge et des matelots en veste blanche. Maintenant, c'est, comme on dit, le rendez-vous de la bonne société. On y voit des parisiennes en belles toilettes, des élégants en gants jaunes, des grooms anglais, des cochers galonnés et des professeurs d'équitation. Nous nous promenâmes à cheval dans les environs, à Bonneville, à Saint-Amand, au Chalet, dans la forêt de Touques, et partout nous nous heurtâmes contre des calèches et des tilburies, contre des citoyens en bottes vernies et des femmes en robes de soie. Nos regards n'avaient pas besoin de cette nouvelle tristesse. Enfin, deux jours après, un matin vers 6 heures, par un temps frais et pluvieux, un canot de Honfleur nous porta jusqu'au milieu de la Seine. Un vapeur venait au-devant de nous en renaclant. Il s'arrêta, nous y montâmes, c'était la Normandie. Les vannes battirent l'eau, et le navire partit en secouant de ses vagues à la barque qui nous avait amenés. Nous avions froid, et c'est à peine si nous pouvions nous réchauffer au tuyau de la chaudière. Nous ne disions rien, nous regardions la côte où Tancarville se couchait sous de grands arbres, nous marchions sur le pont, passant devant deux religieuses assises qui récitaient leur chapelet. Le timonier tournait sa roue en sifflant, et tout le bateau, saccadé par sa machine, tremblait à chaque coup de balancier. Notre chagrin était devenu un insurmontable ennui, noir et brumeux comme le ciel. J'allais m'étendre dans le salon sur un canapé de maroquin, et je dormais depuis quelques instants lorsque je fus réveillé par un chant accompagné de musique. Deux femmes chantaient sur le pont en jouant de la harpe et de la guitare. L'une était grande, avec un visage insignifiant, pâle et boursouflé. L'autre, au contraire, petite, maigre et cambrée, avait une figure terreuse, ronde, féline, et dont les yeux gris, perçants et mauvais, regardaient fixement. Sur son front haut et déjà ridé se relevait sa chevelure blonde. Deux papillotes entortillées de papier bleu se cachaient à demi sous les ailes de son chapeau de paille à voile noire. Ses mains sales, larges et molles, portaient des bagues à tous les doigts et pinçaient, en se bouffissant, les cordes de la harpe. Toutes deux, elles portaient des robes d'été vertes à petits carreaux bruns et leurs pieds disparaissaient dans des souliers gris, éculés et percés. Nous passions devant Quillebeuf, un coup de vent déboucha entre deux collines, courba le bateau et arracha en s'envolant des notes étranges aux deux instruments. Les deux religieuses avaient quitté leur place, sans doute pour fuir les chanteuses et leurs singulières paroles. Je ne sais quelle romance elles psalmodiaient, le refrain était « L'azur de tes yeux a ravi mon âme ». Puis ces mots, amour, bonheur, ivresse, revenait sans cesse avec le bourdonnement monotone de l'accompagnement, avec le timbre aigu de ces voix féminines que dominaient et qu'emportaient les gémissements de la machine, le battement des roues, le sillage de la proue qui déchirait l'eau, le sifflement de la vapeur et le bruit des rafales qui claquaient dans nos voiles. Maxime Ducamp. Ici se termine, par les champs et par les grèves, un voyage en Bretagne. De Gustave Flaubert et Maxime Ducamp. Enregistré par Christiane Jehanne.